إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله وامتثلوا الأمر واجتنبوا النهي واحذروا الغرور والزلل واعلموا أنه لا يصلح إيمان عبد من الخلق ولو شهد أن لا إله إلا الله حتى يؤمن برسوله محمد صلى الله عليه وسلم ويشهد أنه رسول حقا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله يقول في كثير من السور وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول آمنوا بالله ورسوله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وإن تطيعوه تهتدوا ويقول تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وغير ذلك من النصوص القرآنية وكذلك ما جاء في الأحاديث النبوية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وقال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به يا عباد الله احذروا التفريط والإفراط فتزلوا عن الصراط المستقيم فقد قال ربكم عز وجل في حق نبيكم الكريم منبها على أتباعه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فإذا كان هذا في مسألة تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بين الناس من نزاع أو خلاف فما ظنكم بأصل الإيمان به صلى الله عليه وسلم الذي هو أصل الدين الذي هو من أصل الدين ومسألة التحكيم فرع عليه أي على الإيمان برسالته صلى الله عليه وسلم فإن الرب سبحانه وتعالى قال في هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك أيها الرسول فنفى الإيمان عمن لم يحكم نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله فلا ثم أكده بالقسم بنفسه الشريفة بقوله وربك ثم أكده ثالثا ثم عطف عليه اللام الأخرى بقوله ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت والاستسلام لحكمه يعني في كل شيء في القليل والكثير والصغير والكبير والنقير والقطمير ولم يكتف الرب سبحانه وتعالى بهذا بل قال ويسلم ثم أكده بقوله تسليما فيجب اتباعه صلى الله عليه وسلم فإن بقي في النفس ولو بعد التردد والحرج فلا يحصل الإيمان الكامل. فما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الصلاح والهدى والنور الواضح والبرهان الساطع، وما سواه من أحكام الطواغيت فهو جهل وضلال وحسرة وهلاك وفساد ودمار وأحكام طاغوتية ومسائل فرعونية وتلبيسات إبليسية وأحكام جاهلية، وهي ضارة في الدنيا والآخرة، محدثة للبلية والشك والحيرة والضياع لحقوق عباده، لأن الخلق ضعفاء عاجزون لا يعلمون عواقب الأمور. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية وتحقيقها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. إن الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة تقتضي أن يعتقد المسلم بطلان ما عليه أهل الكفر يهودا كانوا أم نصارى أم وثنيين، بطلان ما هم عليه من عبادة، بطلان ما هم عليه من دين، وأن هذا الدين الذي يتدينون به لا يمكن أن يوصلهم إلى رضوان الله وجنته، فهم في ميزان الكتاب والسنة كفار، وفي ميزان هذا الدين الذي شرفنا الله به كفار. إن ماتوا على كفرهم فهم من حطب جهنم خالدون مخلدون في النار. إن الشهادة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة تقتضي بكل مسلم يدين بهذه الشهادة أن يعتقد اعتقادا جازما مقرونا بالعمل أن الله عز وجل لا يقبل من العباد قربة ولا طاعة ولا عبادة، ولا يقبل صلاة ولا صوما ولا حجا ولا زكاة ولا ذكرا، لا يقبل أي لون من ألوان العبادة، لا يقبل الله عز وجل من أحد التعبد بها والتقرب إليه سبحانه بها إلا إذا كانت هذه العبادة والقربة، إلا إذا كانت هذه الطاعة، إلا إذا كان هذا التدين شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أو فعله أو تقريره. فكل عبادة، صلاة أو قراءة أو ذكر أو صوم أو حج أو عمرة، كل عبادة يتعبد بها المتعبدون، وكل قربة يتقرب بها المتقربون، لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصلها أو في وصفها أو عددها، لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عبادة مردودة على أصحابها، عبادة مرفوضة من أهلها، والمتعبدون بها مؤزرون غير مأجورون، لأنهم عبدوا الله على غير ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبدوا الله بالبدعة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بعبارة موجزة ظاهرة بينة قاعدة عظيمة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولهذا فإنه حري بكل مسلم أن يحرص على أن تكون عباداته وقرباته وطاعاته كلها موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا فإن من أعظم نعم الله عز وجل على العبد أن يوفق في تقربه وتدينه للزوم السنة. إن لزوم السنة وإن قل خير بل لا يقارن بالعمل إذا كان على بدعة وإن كثر. فإن البدعة تبطل العمل وتفسده وتمحق بركته وترد ذلك العمل على صاحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أليست أيها المسلم عباد الله، ألست تريد أن تعبد أليست أيها المسلم ألست تريد بتعبدك وتقربك أن تنال ولاية الله ومحبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاعلم أن الذي يوصلك إلى ذلك إنما هو لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما التعبد بالبدع والمحدثات والمواليد المبتدعة فإنها لا توصلك إلى شيء من ذلك، بل تبعدك عنه. واعلموا عباد الله أن الدفاع عن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على كل أحد، فرض على كل أحد بحسب الوسع والطاقة، فذلك من أعظم الجهاد في سبيل الله عز وجل. فعلينا جميعا الدفاع عن مقامه العظيم بكل وسيلة ممكنة يترتب عليها تحقيق المصالح ودفع المفاسد والمخاطر. لا بد من الدفاع المبني على العلم الصحيح والطريقة السديدة، لا المبني على مجرد العاطفة الجياشة فحسب، مما يفضي إلى فتنة عظيمة ومفسدة أعظم من الصبر على أذاهم، كالمظاهرات وغير ذلك والاغتيالات والقتل وسفك الدماء. حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل من تطاول ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك أو السام عليكم. فقالت عائشة: ففهمتها فقلت: وعليكم السام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، ألم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت وعليكم. متفق عليه. فكل حالة بحسبها في شرع الله جل وعلا. إن الواجب علينا معشر المسلمين أن يزيدنا تطاول الأقزام على المقام النبوي العظيم، أن يزيدنا تمسكا بحبه صلى الله عليه وسلم وعملا بسنته، وأن نبذل كل غال ورخيص في نشر رسالته العظيمة. يقول تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. إن الفرض المحتم علينا أن نسعى لنشر مبادئ هذا الدين وأخلاقه العظيمة ومحاسنه الكريمة، وأن نبين للعالم ما يحمله هذا الدين من صلاح وإصلاح وسعادة وفوز في الدارين، وأن نعلم الجاهل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل العالم خلقا وزكاه ربه، وإنك لعلى خلق عظيم. إن الواجب علينا أن تمدنا تلك التهويشات الطائشة المجرمة من أعداء البشرية، أن تمدنا بطاقة إيمانية تمسكنا بهذا الدين وعملا به وافتخارا بأحكامه ومبادئه، فضلا عن الدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة. ولقد نعلم في ولقد نعلم في آخر السورة التي ذكر يقول تعالى إن كفيناك المستهزئين قال له ربه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون لقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين لنحرص أن لا تجرنا تلك الإفزازات الهوجاء والتطولات الرعناء أن تخرجنا عن مبادئ هذا الدين الذي من قواعده العظمى ومبادئه المثلى لا يجني جان إلا على نفسه ولا تزر وازرة وزر أخرى بارك الله لنا فيما نقول ونسمع وأقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سنفتاد الله خني الله إساشيك الله سبحانه وتعالى va vous ressusciter. Chacun d'entre nous sera ressuscité au jour de la résurrection et devra se tenir devant son Créateur. Qu'il soit croyant ou non croyant, qu'il soit croyant ou non croyant, il aura des comptes à rendre au jour de la résurrection. Et même ceux qui nient le jour de la résurrection, ils auront des comptes à rendre au jour de la résurrection devant leur Créateur. Serviteur d'Allah, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala a établi cette religion sur un grand témoignage qui est composé de deux parties. La première partie qui est le témoignage de la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et la deuxième partie de ce témoignage qui est le témoignage de Muhammad. Et Muhammad est le messager d'Allah. Qu'est-ce que ça signifie pour nous les musulmans? Qu'est-ce que ça implique pour nous les musulmans? Beaucoup de musulmans, ou bien tous les musulmans sans exception, ils disent plusieurs fois par jour « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah » Mais beaucoup de musulmans ignorent qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça implique. En ce qui concerne le témoignage de la ilaha illallah, on sait bien entendu que ça implique le tawhid et l'unicité d'Allah et le fait de rejeter le shirk et d'établir notre adoration en la basant sur la sincérité et la pureté d'intention. Et sur l'ikhlas, et le fait de ne vouer nos adorations qu'à notre Créateur seulement, et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors de lui. En ce qui concerne le témoignage que Mohammed est le messager d'Allah, eh bien ça implique de croire en lui, et ça implique de suivre sa guidance, et de le prendre comme juge dans toutes nos divergences et dans tous nos désaccords. Et c'est une condition dans la foi. Et donc, beaucoup de musulmans n'ont pas compris ce que cela implique. Et ça implique de ne jamais mettre la parole d'une personne, peu importe qui elle est, et peu importe son niveau, peu importe sa science, de jamais mettre la parole d'une personne au-dessus de la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et de placer son jugement et sa parole au-dessus de toute parole d'être humain, de toute loi inventée par les hommes. Ou de la placer au-dessus de tout ce qui contredit ce que Allah a révélé. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, dans plusieurs versets, et obéissez à Allah et obéissez au messager. Donc d'obéir au messager, c'est une obligation. Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne de croire en lui et de croire en son messager. Et il dit, wa man yuti'ir rasoola faqad ata Allah. Celui qui obéit au messager a certes obéi à Allah. Pourquoi? Parce que le messager ne parle pas de selon sa passion. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ Il ne parle pas selon les passions et les désirs. Ce n'est qu'une révélation qui lui est révélée. Donc tout ce qui a été rapporté du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths authentiques et dans sa sunnah, que ce soit parmi ses paroles ou ses actions ou les approbations et les choses qu'il a acceptées, cela fait partie de la révélation d'Allah. Cela fait partie de ce que Allah a ordonné. puisqu'il a ordonné d'obéir au messager, comme il nous a ordonné de lui obéir à lui. Et ce que le messager a interdit est égal à ce que Allah a interdit. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a donc clarifié toute l'importance de ce témoignage lorsqu'il a dit que l'islam est basé sur 5 piliers. Et le premier pilier, c'est le témoignage que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Et qu'est-ce que ça implique également? Comme Allah il le dit dans le verset 65 dans Sourate An-Nisa, il jure par lui-même en disant « Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants. » C'est-à-dire, les hommes ne seront pas des croyants. Ils n'auront pas encore accepté la foi tant qu'ils ne t'auront pas pris comme un juge. « Hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. » Ça veut dire que s'il y a une divergence ou un désaccord ou quelque chose, peu importe dans quel sujet, que ce soit quelque chose de grand, comme les questions qui ont rapport avec le jugement dans les lois, ou que ce soit dans les questions de jugement, dans les questions de dispute par rapport au sang, ou par rapport au droit, ou par rapport aux individus, ou par rapport à la société, ou par rapport à la politique, ou par rapport à l'économie, ou par rapport à n'importe quel autre domaine, s'il y a une divergence dans quoi que ce soit, ou que ce soit par rapport aux questions de la aqida, la croyance, aux questions de la foi, aux questions de l'adoration, aux questions de la religion en général, dans n'importe quelle divergence, n'importe quel sujet dans lequel les croyants peuvent diverger, ils ne seront pas croyants jusqu'à ce qu'ils t'aient pris au toi, messager d'Allah, comme juge dans tout ce qu'il y a comme divergence entre eux, dans tout ce qu'il y a comme dispute entre eux. Et qu'ils soient satisfaits par la suite, qu'ils ne retrouvent en eux-mêmes aucune insatisfaction, aucune gêne vis-à-vis de ce que tu auras décrété. C'est-à-dire que si tu entends la parole d'Allah ou la parole du messager d'Allah qui a décrété et qui a jugé à propos d'un sujet ou d'une question quelconque par rapport à quelque chose dans quoi les gens ont divergé, et lorsqu'on juge dans ces questions-là selon le Coran et la Sunna, tu ne dois pas trouver dans ton cœur par rapport à ce jugement, par rapport à ce décret divin, aucune insatisfaction, aucune gêne dans ton cœur, aucune gêne dans ton âme. Ils ne trouvent aucune gêne en eux-mêmes de ce que tu as décrété. Et qu'ils s'y soumettent de façon totale et absolue. Et ça, on ne peut pas le dire à propos de quiconque autre que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne peux pas mettre la parole de ton cheikh au-dessus de la parole du messager d'Allah. Tu ne peux pas mettre la parole de ton imam, de ton madhab, au-dessus de la parole du messager d'Allah. Tu ne peux pas mettre la parole de X ou Y, peu importe qui cette personne-là peut être. Et encore moins la parole d'un kafir, d'un mécréant, qui a écrit une loi, et tu prends cette loi, tu la mets au-dessus de la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et tu la préfères à la parole du messager d'Allah. Ça, c'est de la mécréance. Ça veut dire que tu n'as pas accepté réellement ton témoignage en Mohammed Rasulullah, il n'est pas vrai, il n'est pas complet, tant que tu n'as pas respecté et appliqué la signification de ce verset-là. Et dans cette khutba, j'aimerais en même temps essayer de frapper avec une seule pierre, frapper trois coups, bi'idhnillah, d'expliquer la signification de Mohammed Rasulullah, et réfuter les gens qui exagèrent au sujet du messager d'Allah dans le sens qu'il l'élève à un degré au-dessus du degré dans lequel Allah l'a mis. C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce qu'on retrouve comme innovation et comme bid'a de la part des soufis qui célèbrent la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam chaque année, alors que ça c'est une chose interdite en islam qui a été innovée. Le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais fait cela, ni l'a ordonné, ni l'a encouragé ou recommandé. Et les sahaba après lui, radiyallahu anhum, qui aimaient le messager d'Allah beaucoup plus que nous, ils n'ont jamais fait cela. Et les tabi'in, la même chose. De même que les 4 imams des madahib, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmed, aucun d'entre eux n'a jamais célébré le Mawlid al-Nabawi. De même que les grands imams du hadith qui nous ont transmis la sunna du messager, صلى الله عليه وسلم الإمام البخاري مسلم أبو داود النسائي الترمذي ابن ماجه de même que les grands imams et les autres ulama de la umma de ces trois premiers siècles bénis. Ils n'ont jamais célébré cette bid'a. Et cette bid'a est apparue plus tard, bien longtemps après, parmi les gens de la secte des Ubaydiyya, Al-Batiniyya, Al-Ismailiyya. Lorsqu'ils ont pris le contrôle de l'Égypte et du nord de l'Afrique, et ils ont commencé à innover ce genre de célébration pour imiter les chrétiens, et par la suite les soufis ont hérité de cette bid'a et ils l'ont propagée dans différents pays musulmans. Alors si tu trouves cette bid'a dans ton pays aujourd'hui, dis-toi qu'elle a été ramenée par les gens qui ont opposé la sunna du messager et qui détestaient le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parce que cette fête tombe exactement le jour de sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Alors en réalité ils ne célèbrent pas sa naissance, mais ils célèbrent sa mort parce qu'ils sont heureux de sa mort, parce qu'ils détestent sa sunna, même s'ils prétendent vouloir le célébrer et l'honorer. Parce que le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne n'a été convaincu ou certain du jour exact dans lequel il est né, parmi les historiens. Mais le jour de sa mort, ils sont d'accord pour dire que c'est ce jour-là. Ala kulli hal, c'est une innovation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque a fait une action ou invente dans la religion ce qui n'en fait pas partie, ce sera rejeté. Donc peu importe ton intention. Même si tu penses faire du bien, si tu contredis la sunna et tu inventes des adorations dans la religion, ce sera rejeté. Et un autre point, et c'est le dernier, et c'est avec la même pierre qu'on frappe également pour défendre notre prophète contre ceux qui font des insultes ou des attaques contre le messager d'Allah, que ce soit par des dessins ou des caricatures ridicules que certains parmi les ennemis d'Allah essaient de faire. Ils propagent ces dessins en pensant que c'est le messager d'Allah. Ou bien certains koufars parmi les ennemis de l'islam qui disent des insultes et qui appellent notre prophète, au lieu de l'appeler Mohammed, ils l'appellent Mahomet. Et on a déjà expliqué que Mahomet, ce n'est pas notre prophète. On ne connaît pas de prophète qui s'appelle Mahomet. Mohammed, c'est le nom de notre messager. Et c'est lui qu'on suit. C'est lui qu'on suit. Mais on n'a pas le droit de l'adorer comme les chrétiens adorent Jésus. Parce que si on l'adore en dehors d'Allah, on tombe dans le shirk et dans l'exagération. Et en même temps aussi, on condamne ceux parmi les musulmans qui prétendent qu'au nom de vouloir défendre l'honneur de notre messager, il est permis ou ils se permettent de tuer des innocents et de faire des actes de terrorisme et de faire couler le sang. On condamne ce genre d'action parce que c'est en contradiction avec les enseignements de l'islam et de notre prophète. Allah subhanahu wa ta'ala s'est chargé de défendre son messager. Et donc on n'a pas besoin d'avoir recours à ce genre d'acte. Et Aïcha radiallahu anha, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand elle a entendu des juifs qui ont insulté le messager d'Allah et qui ont dit « Assalamu alayka » ou « Assalamu alaykum » qui veut dire que la mort soit sur vous. Aïcha radiallahu anha, elle s'est mise en colère et elle a répondu que la mort et la malédiction soient sur vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, doucement Aïcha. L'islam, c'est la douceur. Et Allah aime la douceur. Alors, elle a dit, n'as-tu pas entendu ce qu'ils ont dit? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors c'est pour ça que j'ai dit, wa alaykum. En voulant dire, je leur ai répondu, et en est parce qu'ils m'ont dit, sans rajouter et sans dépasser la limite. Et s'ils avaient l'intention de dire assalamu alaikum, tu dis wa alaikum. Et s'ils ont l'intention de dire une insulte, tu dis wa alaikum. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a ses anges qui se chargent de répondre aux insultes de ces gens-là. Pas seulement pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais chacun d'entre nous, lorsque quelqu'un t'insulte, les anges se chargent de lui répondre. Mais au moment où tu ouvres ta bouche pour te défendre toi-même, les anges te laissent te débrouiller avec la personne. En voulant dire, ils cessent de te défendre à ce moment-là. Alors il faut prendre la leçon et la sagesse. Et savoir que si tu veux vraiment défendre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, fais-le avec science. Et fais-le en mettant en application sa sunnah. et en mettant en pratique ce qu'il a enseigné, et non pas en faisant des actes qui contredisent l'islam, comme le fait de faire des manifestations, ou de faire des actes, des attentats terroristes, ou des choses de ce genre. Nous sommes musulmans, nous ne sommes pas laïcs, donc nous devons suivre les règles de notre religion et de l'enseignement de l'islam, parce que l'islam est au-dessus de tout. الحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم